l'argent. Les gens pouvaient misser, nous qu'à bail danser. Nous qu'à faire misser, payer, nous pas qu'à bail pour manger. Passe nous pas des michetos, nous pas les temps à yo. Misez qu'à voyer, qu'à check mémé, c'est en Marco. Marco, Marco, c'est Santorini. Marco, Marco, c'est bikini. Marco, Marco, en bikini. Et puis toutouni. Toutouni, toutouni, toutouni, toutouni, toutouni, toutouni, toutouni, toutouni. Wow. Wow. Wow. Et vacances là, ça t'est bien nous imaginer. Ah bon, on leur a pas dit après.